tranché l'étrange, j'ai retranché étrange, mais personne ne croquera dedans. J'ai coupé la réponse et de l'arrêt quand on me demandait d'écrire mon nom. J'ai caché ce nom, présenté le son, celui qui sortait du cochon. J'ai cramé des ampoules, j'en fais des chansons et pourquoi pas couper le son. Mais André, André, André, André charcutier, hey.